joie. Je te chante mon cantique à pleine voix. Reçois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Sang, tu m'as racheté, à jamais tu seras mon roi. Nzambe nanguya, topamboli yo. Gloire à toi, Seigneur.